I'll be stacking that paper. I slam it down on the table like I'm a boss. Passing all them haters like my metal fingers in the air, always down like a hustler. You ain't fucking with a gangster. I slam it down on the table like mais qui débarque dans ton Alish Lish? Attaquant de pointe, te dis pas terre-terre. Si tu bouffes pas, ne vis pas du terre-terre. Je suis l'un des rappeurs du quartier, donc je représente ça. Albi derrière moi, je vais fracasser tout ça. Normal MC que tu goûtes à la haine. Je fais ce que je veux du rap, moi je le sais. Toc toc toc toc, mais qui est là? Le 80 000 est bien dans la ce plat. Rien à foutre de percer, faut que tu le saches. La concurrence est sur ma bite, Ali RCH. Tu connais le type, donc fais pas val. Rien n'a changé, je m'en bats les couilles de ta race. Si tu veux me fit, mets-toi vite à rapper, car le son et moi, c'est bientôt terminé. Tout le monde ici sait que t'es un mytho. Donc on boycotte ton rap, mon poteau. J'rappe pour le côté sud sale. Donc viens pas me nuire avec ton rap qui sent le propre. Si t'as mal, ça c'est la faute de mes rimes. J'appartiens à personne, j'suis du côté crime. J'aime pas la frime, moi je suis plutôt simple. Efficace, succédé avec mon street. Le terre-terre, ouais ouais, mais toi t'es jamais dedans. Donc arrête, arrête, ou on te rentre dedans. 16 mesures c'est pas assez, faut que je démonte le morceau. C'est pour ça que je fais des solos et que je te prends d'assaut. Me voilà en direct de la Nouspa. Manette à la main, je me lance à PES. Tandis que toi, si tu débordes, c'est des gold dans ta tête. La différence de toi à moi, c'est que tu pues la demeure et me fais mal à la tête. Sans cesse tu critiques, mais au cas où, moi je m'invente pas de vie. Je suis un rappeur d'Albi et non de Paris. C'est toujours moi qui ai mis l'argent dans mes peuclis. J'prends pour qu'un instru, moi j'vaise les faces B. Même sur ce remix, les bouches sont bouche B. Nouveau bloc, note, attaquant de pointe. J'représente ma ville, sur ton rap tire une pointe. Où que je sois sur Albi, de toute façon je suis cramé. Même devant les flics, mon blaze est grillé. MC, arrête tes conneries. Ici pas de clash, que de l'allumage. Si tu veux du bon, cherche pas plus loin. Dans le sud y'a Ali SCH. Fingers in the air, always down like a hustler. You ain't fucking with us gangsters.